supportent patiemment ce qu'ils disent et célèbrent sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exaltent sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction.